Europe 1. Ça pique. Ça pique, mais c'est bon. Midi, midi 30. Mais c'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. Mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Ça pique et c'est bon, surtout le week-end. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 27 août 2016, 240e jour de l'année. Bonne fête aux Monique et Amédée de Lausanne, c'est pas très courant. Profitez de la soirée pour aller à la recherche des oiseaux nocturnes. C'est la 20e édition de la Nuit internationale de la chauve-souris. Karl Lagerfeld, prends garde à toi. Aujourd'hui, avec nous, le zébulon de cette émission. Il saute, il sautille, il frétille. Il épuise tout le monde, même le week-end, avec sa voix grave et sensuelle, Willy Rovelli. Buongiorno. C'est le poil à gratter de cette émission, le tonton un peu bougon, il n'est jamais content, toujours ronchon, Didier Porte. Foutez-moi la paix. Elle a la voix d'une petite fille de 5 ans, elle craque pour les garçons de 25 ans, mais elle a au moins 35 ans, Christine Bérou. Bonjour à tous. Ce matin, Willy nous donnera des idées pour s'occuper le week-end, Didier Porte déclarera son amour à Teddy Riner et Patrick Balkany. Et Christine Bérou nous expliquera comment éviter de parler du burkini à table. Europe 1, Anne Romanoff. Dans cette émission, vous pourrez également gagner un magnifique week-end dans Thalasso grâce à Thalazur. Si on vous appelle tout à l'heure au téléphone, elle est pas belle la ville samedi? Oui. Cachez votre joie. Hein. Quelle semaine. Mais oh non, mais on sent que la rentrée approche. Les hommes politiques sont sortis de leur léthargie estivale et ce dernier regain de chaleur caniculaire nous fait crier tous en cœur, ça colle. Et ça sent pas très bon. Oui, oui, non, mais c'est le principe de la transpiration pendant la canicule. Pensez à mettre du déodorant régulièrement. Bien que je sois célèbre, je suis restée très simple. Hier, j'ai pris le métro vers 19h. Et disons que certaines personnes, leur déodorant avait tourné. Non, mais ici, je vous rassure, les chroniqueurs sentent bon, ils sont parfumés. Willy, vous vous parfumez à quoi? Alors moi j'y mets un parfum que j'ai acheté dans un sex shop, je vous jure que c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, je te jure, le truc s'appelle Love et en fait il y a des phéromones, c'est pour attirer les gens. Et alors? J'attire que les chiens. Christine Bérou, vous vous parfumez à quoi? Moi, vous savez, je suis une bobo, je suis venue en Vélib, donc je sens le pot d'échappement. Ah, c'était ça l'odeur. Et Didier Porte? Ben, c'est-à-dire, moi, je sais pas, il y a un flacon que ma femme a acheté, mais je crois que c'est... Oh là, les mecs. C'est un truc qui s'appelle Salopard, non? Alors, ça vous va très bien. Moi, c'est du Chalimar, hein, pour ceux qui voudraient me faire un cadeau le 25 septembre pour mon anniversaire. Carrément méchant, jamais content. Eh oui, les Français sont jamais contents. Il fait beau, il fait chaud. Il fait chaud. Alors, dansons, collons-nous les uns contre les autres. Allons-nous baigner dans la mer, dans les fontaines, dans les rivières, dans les caniveaux, pour ceux qui habitent en ville. Au lieu de râler, dites-vous que dans 2 mois, ce sont les mêmes qui se plaindront. Oh, il fait froid, qu'est-ce qui fait froid? Alors, on profite de la vie, s'il vous plaît. Européen, ça pique, mais c'est bon. Alors, la canicule m'a inspiré un petit canular. Allô? Oui, bonjour madame, mairie de Sainte-Maxime, à Paray-en-Essouroy. Oui. Je vous appelle madame dans le cadre du plan alerte à canicule. Oui. Vous avez bien une piscine? Oui. Est-ce que ça vous a un problème madame si on vous amène des personnes âgées? Oui, bah vous savez... c'est pas possible, il y a des enfants... ça je suis désolée, mais... Non, non. Elles sont propres, hein? Bah oui, elles sont propres, ça je suis désolée, mais vraiment, puis j'ai une piscine qui n'est pas très grande, non, ça... C'est des personnes âgées qui ont besoin de se rafraîchir, madame. Bah oui, oui, je sais bien, mais non, vraiment, je suis désolée. On les met un quart d'heure dans l'eau et puis on repart, vous me dites à quelle heure je vous les amène. Non, je suis désolée, madame, mais ça n'est pas possible. Non, mais c'est une réquisition, madame, dans le cadre de la préfecture et du plan alerte à la canicule. Écoutez, avec le nombre de piscines, je crois qu'il y en a des piscines dans Sainte-Maxime, alors je ne suis pas la seule à avoir une piscine. Bon. C'est un tirage au sort, hein, on a procédé à un tirage au sort. Bah écoutez, je suis désolée. Non, écoutez, alors je suis navrée. On vient cet après-midi à 14h avec les personnes âgées? Ah non, vous ne pouvez pas venir cet après-midi à 14h, c'est pas possible. Vous en amène 4. Non, vous ne m'amenez rien du tout, je suis désolée. Non, la fois... Non, non, là, je vous dis que c'est pas possible. Bah, vous allez avoir une amende, madame. Non, hein. Non, non, comment? Vous allez avoir une amende pour non-accueil de personnes âgées dans le cas. Non, non, écoutez, mademoiselle, ne me menacez pas d'amende. Enfin, nous sommes des personnes âgées également. Non, non. Et puis, en plus, j'ai une piscine qui est très difficile d'accès. Il n'y a pas de marche descendant dans la piscine. Alors, ah, ils vont devoir sauter. Descendant à une échelle. Hein. Ah, il y a une échelle. Oui. Non, non, c'est pas possible, je suis désolée. Non, pensez les équiper de bouées de palmes pour qu'elles flottent. Non. Oh, bah, équipés de palmes, alors ils pourront pas descendre le long de l'échelle, hein. Mais qui saute à ce moment-là. Non, non, je suis désolée, n'insistez pas. Je suis pas en état de recevoir des personnes qui viennent se tremper dans ma piscine. Non, non, ça, je suis désolée. Parce qu'on leur fait prendre une douche avant à la mairie. Attends, c'est toi de parler en même temps. Allô. On leur fait prendre une douche avant à la mairie pour bien les nettoyer. Oui, mais je sais bien, mais c'est le fait de m'amener des personnes ici qui seront incapables de descendre à une échelle. Et en plus... Ça vous fera des amis. Ah non, non, ça me fera des amis. J'ai pas besoin d'amis, j'ai des amis. Et puis madame, ce qu'on vous demandera, c'est de leur servir une petite collation une fois que je serai baignée dans votre piscine. Non, non, écoutez, mademoiselle. Non, non, alors écoutez, je raccroche. Ah madame, je vais vous laisser mon nom si vous changez d'avis. Oui, oui. Donc je suis madame Anne Roumanoff. Anne Roumanoff. Oh, c'est une blague. Non, mais c'est pas vrai. Ah non, ça me paraissait tout de même curieux, hein. Je vois pas des personnes âgées avec des palmes descendre à l'échelle de la piscine. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Animaux. C'est le sujet dont on nous rabat les oreilles depuis 15 jours. On en a un petit peu à essayer ici. Alors voici comment changer de sujet quand on vous parle du burkini avec Christine Béroux. Eh ben oui, parce que moi je fais partie de ces gens qui n'ont pas envie de parler du burkini. D'ailleurs, quel est le point commun entre quelqu'un qui porte un burkini et quelqu'un qui nourrit la polémique du burkini? Eh ben dans les deux cas, la personne a envie de se mouiller, ce qui n'est pas mon cas, d'accord? Mais on n'évite pas le même sujet de la même manière avec tout le monde. Par exemple, si votre père vous dit... Je peux te dire que moi, quand j'ai rencontré ta mère en mai 68, c'était pas le burkini, c'était le burkunu. Sous les pavés, la plage, c'était autre chose que le burkini, qui est plutôt le pavé dans la mare sur la plage. Eh bien justement, papa, en parlant de pavé, as-tu lu le dernier livre de Nicolas Sarkozy? Voilà, hop, ni vu ni connu, vous passez d'un sujet casse-gueule à un sujet casse-couille. Et si votre mère vous dit... Non, mais tu vois, je crois que le burkini, faut pas le voir comme une menace, faut le voir comme une solution contre ta cellulite, ma chérie. Non, parce que cet été à Quiberon, je t'ai vu en maillot, hein, Christine. T'as hérité des hanches de mamie, c'est pas comme ça que tu as trouvé un mec. Alors là, vous répondez très gentiment. Maman, c'est vrai, le burkini cache tout. Du coup, je vais conseiller à papa le burkini pour cacher sa relation avec sa secrétaire. Bim ! J'ai pas hérité que des hanches de mamie. J'ai aussi hérité de son goût à balancer en temps de guerre. Et enfin, si votre collègue de travail vous demande... Enfin, quand même, tu trouves ça normal qu'on puisse pas se baigner avec un burkini si on en a envie ? Et là, vous pouvez laisser parler votre sincérité en lui disant « Tu as raison, on devrait pouvoir se baigner avec ce qu'on veut. Moi, par exemple, j'aimerais bien baigner avec l'équipe de France de rugby. Écoute, si j'avais ça à contact ou quelque chose, je suis preneuse. Hop, vous changez de sujet. En tout cas, pour conclure, je dirais qu'en France, ça m'étonne pas qu'on puisse pas nager en burkini. C'est à l'image de l'actualité. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on peut plus dire que chez nous, tout baigne. Merci beaucoup de votre attention. Ça pique, mais c'est bon. Oh, Didier Porte, je vous sens ronchon ce matin, pour changer. Pas du tout, voilà. Chers amis du samedi, disons-le tout net, notre bilan au JO de Rio n'est pas si reluisant qu'on l'a entendu partout. Bah, si, quand... Non, avec 42 médailles, dont 10 en or, nous sommes juste au-dessus des Coréens. Et très loin derrière les Rosbifs avec leurs 27 titres olympiques. Et quelles médailles, les nôtres, mes aïeux, pratiquement que dans des disciplines anecdotiques, voire loufoques, le tir à la carabine des yeux bandés, le canoë-kayak à reculons, le 10 km en eau trouble sans respirer, le trampoline des bras croisés, le 4x20 mètres à cloche-pied, que sais-je encore? Ça fait des décennies que ça dure, ce qui ne nous empêche pas de postuler pour l'organisation des JO de 2024. C'est ridicule. Nous sommes des brêles en sport. Il va bien falloir se faire à cette idée un jour. Que dis-je à cette idée? À ce constat. Une nation de losers. Voilà ce que nous sommes. Même en ping-pong, où nous brillâmes longtemps, grâce à l'injustement nommé Jacques Secrétin. Nous ne touchons plus une bille. Vivement que la belote coinchée, le baby-foot, accède au statut de discipline olympique pour que la France retrouve son leadership mondial. Et vous savez pourquoi le sport de haut niveau hexagonal est dans un tel marasme ? Non. C'est parce qu'il est confronté à des méthodes de management d'un autre âge. Est-ce que vous avez vu à quoi on était réduit Renaud de Lavillenie pour sa préparation des JO de Rio ? Il a été obligé de se faire installer un kit de saut à la perche dans le jardin de son pavillon de banlieue pour s'entraîner. Une fois sur deux, il atterrissait chez le voisin. Tu m'étonnes qu'il se fasse chouraver sa médaille d'or par un crevard dont personne n'avait entendu parler la veille au début du concours. Pathétique, je vous dis. Tu étais formidable, j'étais formidable. Elle chante bien, la Lavillenie. Hein. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Un autre modèle de développement du sport de haut niveau français est possible. Il y a dans ce pays un couple formidable, d'authentiques éleveurs de champions à qui tout réussit. Je suis de retour sur RTL. Finalement, ils ne m'avaient pas viré. Ils sont virés de partout, en fait. Oui, c'est vrai. Ils sont dynamiques, intrépides et sexy. On les a surnommés les Bonnie and Clyde de Levallois. Ce sont des winners flamboyants. Ils sont totalement décomplexés. Comparé à eux, Donald Trump est aussi discret qu'une carmélite sourde-muette en burkini sur une plage naturiste. Ils sont riches, ils sont indestructibles. Leur devise est : l'important n'est pas de participer, mais de gagner, surtout de ne pas se faire choper. J'ai nommé Isabelle et Patrick Raging Bulls Balkany. Ouais. Okay. Ok, vous n'allez pas applaudir les Balkany quand même. Ok, merci, j'aimerais bien revenir sur Europe 1, s'il vous plaît. Ne me regardez pas avec cet air effondré, ma chère Anne, je suis tout ce qu'il y a de plus sérieux. Les Balkany, ce sont les coachs sportifs de l'avenir. Et ils l'ont prouvé avec leur poulain, Teddy Riner, si tant est qu'on puisse qualifier de poulain un garçon qui a plutôt les mensurations d'un percheron adulte qui aurait fait 10 ans de musculation. Lui, il n'a pas raté sa médaille d'or. Et pourquoi, à votre avis ? Tout simplement parce que Isabelle et Patrick ont compris que pour motiver un sportif de haut niveau, il faut lui donner... Des sous. Non, non, non. De l'amour. Non. Des prostituées. De la drogue. Plein de pognon, voilà. Plein de pognon. Depuis 2009, le nounours des tatamis touche 24 000 euros net par mois du club de Levallois, plus les primes de médailles, plus 2 000 euros mensuels d'aide au logement alors qu'il habite Paris, plus 880 euros pour la location d'une automobile alors qu'il en possède déjà deux. Et tout ça, pourquoi ? Tu es jaloux, Didier. Tout ça, pourquoi ? Pratiquer son sport, l'enseigner aux jeunes ? Pas du tout. En contrepartie, il s'est engagé à citer le club ou la ville de Levallois dans les médias. Le club de Levallois, lourdement déficitaire, qui est effectivement allègrement subventionné par la ville, elle-même la plus endettée de France à hauteur de 9 000 euros par habitant. Et oui, c'est un nouveau sport olympique qu'ont inventé les Balkany, la citation dans les médias. D'un autre côté, on ne va pas leur reprocher de donner de l'argent de poche à Teddy Riner en piochant dans celle de leurs administrés. Ces derniers ont l'habitude et en plus ils sont d'accord, à chaque élection, ils votent pour eux. Donc vive le sport et surtout, vive le pognon. En tout cas, grâce à vous, Didier Porte, on aura vraiment cité Levallois, les Balkany ce matin. Je vous félicite, ils vont être très contents. On se retrouve dans un instant avec Willy Rovelli qui va nous faire des révélations et nous donner des idées sur les week-ends. Et après, on vous fera gagner un séjour en Thalasso avec Thalazur si vous êtes tiré au sort et que vous répondez aux questions. Attention, ne bougez pas. Ça pique, mais c'est bon. Reviens dans un instant sur Europe 1. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Alors, Manoff. Ça pique, mais c'est bon, c'est aussi le week-end avec aujourd'hui la jolie Christine Bérou. Ouais. Le sémillant Willy Rovelli. Ouais. Et le meilleur ami des Balkany, Didier Porte. Ouais. Willy Rovelli. Willy Rovelli. Vous voulez absolument nous donner des conseils pour qu'on passe un meilleur week-end ? Oui, mais tout d'abord, Anne, après cette semaine de canicule, je suis soulagée de vous voir en aussi grande forme. Je vois qu'on a su arroser comme il se doit la si jolie plante que vous êtes. Tu sais, peux vous mentir. Nuit, je me suis demandé, quand tu transpires, est-ce que tu maigris ? Ah, alors apparemment, oui, je crois non. Non, il y a une grosse qui nous dit non. Bon, ce matin, je vais vous faire une petite confidence, mes amis. J'ai passé une semaine horrible à faire du rangement chez moi. Après avoir adopté la méthode KonMari, vous connaissez la que... Oui, j'ai lu La magie du rangement. Oui, exactement. J'adore ce livre. Voilà. Alors, c'est un livre japonais, donc de Marie Kondo, qui cartonne dans le monde entier et qui nous apprend donc que la meilleure façon d'avancer dans sa vie, écoutez bien, mes amis, c'est de faire le tri, de se débarrasser des choses qui ne nous procurent plus de joie. Allez, je te laisse. Voilà. Là, Anne, vous vous dites, tiens, et si je lui demandais de passer à la compta récupérer son chèque, ce petit con. Oui, ça a l'air de vous étonner, mais il m'arrive de lire autre chose que Closer, même si cet été, ils ont mis en couverture les merveilleux seins galbés de Sophie Davant, que j'ai regardé attentivement, mais bon, en pleine crise du lait, ça m'a vite culpabilisé. Ce week-end, faites donc comme moi, mes amis, triez et jetez tout ce qui ne vous sert plus. Moi, je l'ai d'abord fait dans mes fringues, parce que le livre est clair, si vous ne l'avez pas enfilé depuis 2 ans, faut la jeter. Ça marche aussi pour le mariage. Pas depuis 2 ans, madame, faut la jeter. Dans mes placards, j'ai retrouvé des pantalons taille 14 ans. Oui, je rentre encore dans du 14 ans. C'est mon seul point commun avec Jean-Luc Lay. Oh! C'est ça l'avantage d'être petit, mes amis. Moi, j'ai un corps en solde permanente. Tu vois, moins 40% toute l'année. Ensuite, faire le tri dans ses papiers. Il faut jeter. Voilà, le problème, c'est que la loi française nous oblige à en garder toutes nos livres, comme nos fiches de paie, par exemple. Alors hier, justement, c'est marrant, j'ai regardé ma toute première fiche de paie. Waouh, j'étais jeune, inexpérimenté, débutant, nul. Je gagnais pareil qu'aujourd'hui. C'est bien, je progresse. Mon premier job, tu sais, j'étais serveur, je jure que c'est vrai, j'étais serveur dans un restaurant. Madame, oui, je vais plutôt partir sur un poisson. Comme vous voulez, mais enfin, ils sont morts, ils vont pas vous emmener bien loin. Mais j'ai vite été virée. À 17 ans, j'ai connu le babysitting aussi, mais comme c'est moi qu'on gardait, ça m'a rien rapporté. Ensuite, il faut jeter tous ces petits objets qu'on ne sait même plus à quoi ça sert. Moi, dans ma cave, j'ai retrouvé des câbles, des vis, Natacha Kampusch. Oh. J'ai retrouvé aussi mes premiers vinyles, Freddie Mercury, Mylène Farmer, Metallica. Oui, visiblement, sexuellement, ado, je me suis beaucoup cherchée. J'ai retrouvé plein de vieux bouquins, comme des Molière, des Racine, et j'ai tout filé au SDF en bas de chez moi. Depuis le temps qu'il me demandait une petite pièce, là, il y a eu l'Avare, Phèdre, Andromaque, et quand même, je me suis pas foutu de sa gueule. Et puis... attends, elle... j'ai retrouvé au moins 5 boîtes de vieilles photos un peu jaunies. Alors j'ai ouvert. Il y avait le sourire de ma mère et le sourire de mon père, ensemble. J'ai refermé la boîte et j'ai décidé de tout garder. Il paraît que ça rassure de tout garder. Et là, justement, j'ai juste besoin d'être assurée. Enfin, ça pique, mais c'est bon. Anne-Manoff. Aujourd'hui, vous pouvez jouer pour gagner un séjour Thalasso Escaldé Tanzen 3 jours, 3 nuits en petit déjeuner avec Thalazur à l'hôtel 4 étoiles Les Bains de Cabourg situé directement sur la plage. Ça vous ferait du bien, Didier, ça. Vous profiteriez de soins d'hydrothérapie, d'enveloppement d'algues, de soins privilèges, dont gommage, modelage, et vous aurez accès au sauna, hammam, à la piscine d'eau de mer. Plus d'informations sur thalazur.fr. Alors pour jouer, bah, il fallait nous appeler au 3921. On a tiré 2 auditeurs au sort. On commence par le premier ou la première, c'est qui ? Audrey. Oui, bonjour. Bonjour Audrey. Ah, bonjour, bonjour Audrey. Vous vous appelez d'où Audrey ? Bonjour Anne, de Perpignan. Perpignan. Il fait beau à Perpignan ce matin ? Vous devez crever de chaud. Oui, il fait très très beau. Je suis très contente de vous avoir au téléphone parce que ça fait des années que je viens vous voir un spectacle. Et vous voudriez être remboursée. Vous travaillez dans quoi Audrey ? Je travaille auprès d'enfants déficients intellectuels avec des enfants autistes. Ah bah, vous devriez venir ici, il y aura du boulot. Vous avez un fiancé ? Non. Bah, avec qui vous allez partir si vous gagnez ? Avec ma mère. Ah bah, c'est pas très gay ça. Vous avez quel âge Audrey ? 31. Ah bah, faut trouver un mec là, non ? Ouais, c'est vrai, ouais. Vous n'avez jamais vu le loup à 31 ans ? Si, si, quand même. Ah, bon. Audrey, attention, première question. Pour gagner un séjour Thalasso Escaldé Tanzen, 3 jours, 3 nuits en petit déjeuner avec Thalazur à l'hôtel 4 étoiles Les Bains de Cabourg, situé directement sur la page. Première question. Le livre de Nicolas Sarkozy s'appelle 1. Tout pour la finance. 2. Tout pour la France. 3. Tout, vous saurez tout sur les Balkany. Je dirais Tout pour la France. Ouais, ouais. Il faut répondre à combien de questions pour gagner ? 3. Il faut répondre à 3 questions. 2. Alors 2. 1. 0. Attention, Jean-Pierre Chevènement a déclaré « Je ne suis pas candidat, mais 1. J'ai besoin d'augmenter ma retraite, alors j'accepte n'importe quel petit boulot bien payé comme présider des commissions ou superviser des rapports. 2. Je ne suis pas candidat, mais je suis disponible. 3. Je ne suis pas candidat, mais c'est parce que personne ne me l'a demandé. Je ne suis pas candidat parce que personne... m'a demandé. Oh, Audrey, c'était pas ça, c'était parce que je suis disponible. Vous avez perdu, Audrey, on est désolé. Ah bon, c'est pas grave. Si, c'est grave, Audrey. Ah, si, on aurait bien aimé vous faire gagner quelque chose. Mais rappelez quand vous aurez un mec, comme ça vous partirez pas avec votre mère, parce que c'est vraiment trop triste. Oui, c'est vrai, en même temps. C'est peut-être une chance. Ouais, non, mais c'est une opportunité, Audrey, remerciez-nous. Je suis au téléphone et j'espère que l'émission va marcher parce que vous. Bah, nous aussi, on l'espère. Hein. Vous savez, Audrey, on l'espère plus que vous. Vous l'écoutez tous les jours, l'émission, Audrey ? Oui. Franchement, je l'ai écoutée depuis le début de la semaine et je l'écouterai tous les jours. Oh. Et alors, vous l'écoutez au travail avec les enfants ? Non, là, je suis en vacances cette semaine, donc là, je l'écoutais par Internet. Et la semaine prochaine, je vais l'écouter par Internet parce que je commence le travail à 13h jusqu'à 21h. Donc, je vais vous écouter tous les jours, quoi. Okay. Non, y a pas de souci. Hein. C'est super gentil. Comment elle s'appelle, l'émission, Audrey ? L'émission, elle s'appelle Sapik, mais c'est bon. Avec un bon, merci Audrey. Passez un bon samedi, on vous embrasse. Bonjour Audrey, rappelez-nous. Ouais, cherchez un fiancé, vous nous tenez au courant. Oui, oui. Personne n'a gagné cette Thalasso à Gabour, c'est bien dommage. Et demain, on remettra en jeu en week-end de Thalasso. Il suffira de nous appeler, vous appelez 3921, 50 centimes d'euros la minute. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve demain dimanche à midi pour une nouvelle émission de Sapik. Mais c'est bon, aujourd'hui avec nous, il y avait Willy Rovelli, Christine Bérou, Didier Fort. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Sonia Mabrouk. Passez un très bon samedi sur Europe 1. Oui, bonjour Anne. Dans un instant, on revient sur toute l'actualité de la semaine et on l'analyse avec les grandes voix d'Europe 1.